de la Colombie Transmétropolica Radio. Ne me quittez pas, il faut oublier. Une station de radio pour l'Amérique et le monde. Radio Metropolica, qu'est-ce que vous êtes ? I once had a girl, or should I say, she once had